Il est aussi très important de savoir utiliser le subjonctif imparfait des verbes avoir et être, avere et essere. Car vous l'entendrez souvent, vous le lirez souvent et vous devrez l'employer souvent vous-même. Voyons un peu ce que ça donne. D'abord pour avoir, qui à l'infinitif se dit avere. Avere, oui. En prenant cet infinitif comme point de départ, comment allez-vous former la première personne, le je, au subjonctif imparfait? Avessi. Avessi, très bien, avessi. Et pour la deuxième personne, tu? Avessi. C'est encore avessi. Quelle est la forme qui correspond à nous? Avessimo. Avessimo, oui. Et il ou elle au pluriel? Avessero. Bien, c'est ça. Avessero. Avessero. Et maintenant, il au singulier, ça sera? Avesse. Avesse. Et la forme avec elle? Avesse. Le vous du vouvoiement, comment allez-vous dire ça? Avesse. Et enfin, le vous pluriel, voi, comment direz-vous ça? Aveste. Aveste, absolument, aveste. Le subjonctif imparfait s'emploie aussi après si, qui en italien se dit se, S-E, se. Par exemple, dans la phrase « si j'avais faim, je mangerais », en italien, on utilise le subjonctif imparfait après si. On dit donc littéralement « si j'eusse faim, je mangerais ». Dites-moi d'abord ce « j'eusse ». Du verbe avere, bien sûr. Avessi. C'est ça. Dites-moi maintenant, si j'avais faim, je mangerais. Je vous rappelle que faim se dit fame. F-A-M-E. Fame. Se avessi fame. Je mangerais. C'est inconditionnel. Mangerei. Se avessi fame, mangerei. Très bien. Se avessi fame, mangerei. Je ne sais pas si vous avez remarqué qu'au lieu de dire se io avessi, nous venons de dire se avessi, sans exprimer le sujet io. C'est simplement parce que dans cette phrase, le verbe mangerei suffit à montrer que le sujet est io et non pas tu. Si j'avais faim, je mangerais. Se traduit donc par se avessi fame, mangerei. Avec un subjonctif imparfait. Se avessi. En français, par contre, on dit si j'étais ici, si je l'avais fait avant. Il n'y a pas de subjonctif. Maintenant, si j'avais su, je l'aurais fait. Comment diriez-vous ça? Rappelez-vous qu'après si, on a un subjonctif imparfait en italien. Donc, si j'avais, ou littéralement, si j'eusse, se dit se avessi. Se avessi, oui. Et maintenant, il faut plonger, puisqu'on a le verbe avoir. Si j'avais su se avessi saputo. Se avessi saputo, très bien. La deuxième partie de la phrase était « je l'aurais fait ». Commençons par « j'aurais » avec un « s », un conditionnel donc. « Avrei ». Bien. Et donc « je l'aurais fait » donne « lo avrei fatto ». Fatto, oui. « Lo avrei fatto ». Reprenez la phrase en entier. « Si j'avais su, je l'aurais fait ». Se avessi saputo, lo avrei fatto. Se avessi saputo, lo avrei fatto. Comment diriez-vous maintenant tout aurait été prêt pour vous? Procédons par étapes. Comment dit-on tout en italien? Tutto. Tutto, oui. Maintenant, aurait été. Comment dit-on été? Stato. Stato, oui. Quand on plonge dans le passé de essere, on plonge dans stato à partir d'un plongeoir qui est essere, être, non pas avoir comme en français. En italien, on dit littéralement je suis été très occupé au lieu de j'ai été très occupé. Dites-moi cette phrase, s'il vous plaît. J'ai été très occupé. Sono. Plongé dans été. Stato. Attention, comme vous plongez de essere, il faut que vous fassiez l'accord avec le sujet, avec la personne qui parle. Donc, si c'est vous, une femme, qui dites j'ai été très occupée, vous direz stata. Sono stata molto occupata. Oui, redites-le encore une fois. Sono. Sono stata molto occupata. Sono stata molto occupata. Bien. Donc, vous voyez qu'avec le verbe être, on plonge dans le passé à partir du plongeoir être. Reprenons l'exemple « tout aurait été prêt pour vous » ou mot à mot « tout serait été prêt pour vous ». Comment traduiriez-vous ça en vous adressant à un groupe de personnes ? Tutto sarebbe stato pronto per voi. Très bien. Tutto sarebbe stato pronto per voi. Revenons maintenant au subjonctif imparfait pour traduire « si j'avais le temps, je le ferais ». Commencez par dire « si ». C'est. Mm-hmm. Alors. Si j'avais, au subjonctif. Se avessi. Oui. Il tempo. Ou plutôt, se avessi tempo, sans il, puisque tempo n'est suivi de rien ici. Se avessi tempo. Se avessi tempo, je le ferais, au conditionnel. Lo farei. Se avessi tempo, lo farei. Bien. En italien, on emploie donc un subjonctif après « se » quand la phrase française est au passé après « si ». On dit « si j'eusse le temps, je le ferais ».« Se avessi tempo, lo farei ».